Chapitre 28. Hyperespace. Le New Elite. Mes amis, êtes-vous prêts à dompter la tempête ? Cria Kassav. Il leva une ampoule de smash bleu satiné équipée d'un goulot étroit conçu pour rendre la drogue accessible à tous les systèmes nasaux de la galaxie. Que vous soyez doté d'un nez, d'une trompe, de stomate, d'un proboscis ou d'un simple trou au milieu du visage, vous pouviez utiliser une ampoule de smash. Ce qui était une bonne chose parce qu'on trouvait toutes ces options parmi ces troupes, et plus encore. Les membres d'équipage du New Elite levèrent leur propre ampoule, un sourire d'anticipation sur le visage. La moindre surface du vaisseau vibrait au rythme de la musique, du rec-punk brutal aux basses assourdissantes, dans lequel chaque instrument utilisé par les musiciens était fabriqué à partir de morceaux d'épaves de vaisseau. Kassav prit une grosse et longue bouffée, et boum! Son esprit se mit à flamboyer. Tout était plus net, plus lumineux. Il pouvait le faire. Il allait le faire. Il pouvait tout faire. Il regarda son équipage limité. Quelques-uns déversèrent le smash directement dans le filtre de leur masque à gaz, une technique astucieuse qui permettait d'en intensifier les effets. Il vit l'énergie parcourir le groupe, une sorte de poussée, d'impulsion, comme un shot de sucre candy qui faisait tout briller, vibrer et siffler. Il laissa tomber son ampoule vide sur le pont, et se fendit d'un large sourire. « C'est bon, hein ?» hurla-t-il en éructant chaque mot. « C'est bon d'être un île, pas vrai ?» Tous rugirent leur accord. Certains se contorsionnaient au rythme de la musique, d'autres se contentaient de se contorsionner. « Parfait. Profitez bien. Accordez-vous une minute. Mais ensuite, prenez l'amortisseur. » Il va falloir avoir l'esprit clair pour ça. Il faut dompter la tempête, pas vous laisser dompter par la tempête, ok ? En guise d'exemple, c'était important de montrer l'exemple en tant que chef de temps en temps, il plongea la main dans sa tunique et en sortit une petite pilule orange et jaune. Il la brandit devant lui, que tous la voient bien, puis la jeta dans sa bouche et la croqua. Presque aussitôt, les effets du smash prirent une nouvelle qualité, comme des vagues dans une mer houleuse, gigantesque, puissante. Il fallait veiller au grain, mais ces vagues, on pouvait surfer dessus. Cette sensation lui fit penser à l'hyperespace, en quelque sorte. Pas les hypervoies officielles, mais les sentiers bizarres de Markion Rowe. Kassav se tourna vers la baie d'observation de la passerelle pour contempler celui qu'il traversait à cet instant. Un tunnel constitué d'une infinité de rubans lumineux de toutes les couleurs, brassés, secoués, entrelacés. Il y avait un sens à tout ça, mais il n'était pas assez malin pour en comprendre toute la complexité. Il ignorait totalement d'où venaient les sentiers. Markion Rowe se montrait plutôt cachottier à ce sujet, refusant de donner trop de détails, tout comme son père avant lui. Il prenait parfois à Kassav l'envie de lui arracher ce secret, un blaster sur la tempe, ou encore mieux, un couteau sous la gorge. Mais les héros n'étaient pas des gens stupides. Ou du moins, Asgard ne l'avait pas été. Il avait conscience de ce que représentaient les sentiers, et savait qu'il risquait de faire des envieux. Et même si Markion Rowe n'égalait pas son père, il en était même loin, il avait hérité de toutes les mesures de protection qu'Asgard avait mises en place. Le gaze électrique. Ces affreux droïdes gardiens qui veillaient sur lui. Rien qu'approcher Markion était compliqué. Il avait aussi clairement fait comprendre que les sentiers eux-mêmes disposaient d'un système de protection spécifique. S'il mourait, il disparaissait avec lui. Ce n'était pas ce qui s'était passé à la mort d'Asgard. Mais là encore, Markion n'avait pas de fils à qui transmettre l'affaire familiale. Il n'y avait pas que son vaisseau et ses droïdes assassins qui protégeaient Markion Rowe. C'était aussi le cas de la structure que son père avait exigé que les Nihil adoptent le jour où, des années plus tôt, il leur avait offert les sentiers sur un plateau. Avant cela, le groupe était beaucoup plus petit, un simple gang en réalité. Leurs opérations se limitaient à une minuscule zone de la bordure, à proximité du linceul de Tulle, près de Belsavis, et ils survivaient tout juste à l'aide de Menu Larsin. Un jour, Asgard Ro s'était pointé et leur avait proposé les sentiers en échange d'un tiers des butins engrangés. Mais ce n'était pas tout. Ils voulaient peser dans les décisions. Depuis, chaque mission qui utilisait les sentiers nécessitait un vote à l'unanimité des trois maîtres tempêtes et de l'œil. Et, en cas d'égalité, la décision devait toujours suivre l'avis de Ro. À l'époque, cela n'avait pas semblé tellement important. Mais cela signifiait que Panetta, Lurnadi et lui étaient toujours plus ou moins en compétition les uns contre les autres, prêts à tout pour s'attirer les bonnes grâces de l'œil afin d'obtenir de nouveaux sentiers. En théorie, ils auraient pu s'allier pour s'opposer à Markion, mais il y avait beaucoup trop de rancune entre eux. La plupart du temps, Kassav supportait à peine de rester dans la même pièce que Lurnadi et Panetta. Alors envisager de partager le trône avec eux... Markion était seul, donc potentiellement vulnérable. Sauf que ce n'était pas le cas. Il était protégé par le système que son futé de père avait mis en place. C'était agaçant, mais ça fonctionnait. Bon sang, ça fonctionnait tellement bien que Kassav avait copié bon nombre des idées d'Asgard pour sa propre tempête. Il avait trois orages au sommet de la hiérarchie de sa tempête. Gravan, Delex et Trempette. Ils voulaient tous prendre sa place, mais ils ne s'allieraient jamais pour se débarrasser de lui, parce qu'aucun d'eux ne pourrait devenir le nouveau maître Tempête. Il resterait juste trois orages se partageant le pouvoir. Mouep, c'était un bon petit système. Ces trois orages se trouvaient à cet instant sur la passerelle du New Elite, et ils avaient inhalé leur dose de Smash en même temps que Kassav. Il ignorait s'ils avaient bien pris l'amortisseur ou si les nuages et les foudres de leurs équipes l'avaient fait. Mais tout allait bien. Un comportement un peu borderline, ce n'était pas si grave. Être borderline, c'était le propre des Nihils, après tout. Ça ne posait pas de problème tant que tous faisaient ce qu'on leur disait. Et ils le feraient. C'était l'autre spécificité qui faisait des Nihils une organisation si performante, même si cette réalité-là était plutôt cachée et restait invisible à moins de se trouver au sommet de l'organisation. En surface, les Nihils représentaient la liberté, l'émancipation de tout système de contrôle à travers la galaxie. Oubliez la République, oubliez les Huts et ne pensez plus qu'à faire ce que vous voulez, quand vous voulez. C'était l'argumentaire de vente, leur façon d'enjoindre les gens à les rejoindre. « Dompte la tempête, bébé. Dompte-moi cette tempête. » Mais une fois que tu devenais un Nihil, tu te retrouvais avec un nouveau joug sur les épaules, même si tu ne le sentais pas toujours à cause de toutes ces fêtes, du smash et du frisson de s'emparer de tout ce que tu veux, quand tu veux. Il n'en restait pas moins qu'il fallait faire exactement ce que les chefs au-dessus de toi te demandaient. Et pareil pour les chefs encore au-dessus. Si tu ne le faisais pas, au mieux, tu ne touchais pas ta part de la loi des trois. Au pire, tu te retrouvais avec une vibre-lame dans le cou ou tu te faisais jeter hors du grand hall à la manière forte. Tout le monde devait se plier aux règles. Tout le monde devait accepter de faire des sacrifices. Enfin, tout le monde sauf Markion Ro et les maîtres tempêtes. C'est-à-dire lui, Lurnadi et cette brute coquette de Panetta. Avait-il seulement conscience du ridicule d'être un Dowoutine sensible aux tendances de la mode? Enfin bref. Les Nihils n'étaient qu'une forme de contrôle supplémentaire. Une machine conçue pour amasser des crédits en faveur des personnes situées au sommet. Ouais. Un bon petit système. Kassav observa son équipage. Les plus hauts échelons de sa tempête, Gravan, Trempette, et puis Delex, juste devant, son seul œil organique étincelant sous l'effet du smash. Ah ouais, c'était clair qu'elle n'avait pas pris son amortisseur, elle. Et leurs troupes, rassemblées derrière eux. « Voilà ce qu'on va faire !» déclara Kassav. « On va embobiner ces abrutis, leur pomper tant de fric qu'il n'y aura plus un seul crédit dans tout le système. » On va les dépouiller de tout ce qu'ils ont. Et le plus beau, c'est qu'ils vont nous remercier de le faire. L'idée plut à tout le monde. Beaucoup sourirent à pleines dents et acquiescèrent bruyamment. Nous sommes sur le point de réintégrer l'espace réel dans un système appelé Eriadu. Il souffre pas mal du blocus hyperspatial de la République. Y a pas assez de nourriture pour tout le monde là en bas. La rumeur veut que la population soit sur le point de renverser les gens au pouvoir. Donc, ces gars sont vraiment en pleine galère et ne peuvent pas se permettre d'avoir un problème de plus à gérer. C'est parfait pour nous. Tout va se passer très vite à partir du moment où on va débarquer. Il va falloir jouer serré à cause de la façon dont les émergences vont s'enchaîner. Orage, vous avez bien briefé vos équipes? Tout le monde sait ce qu'il doit faire? Je sais pas pour les deux autres tocards, Kassav. Mais mes gars sont fin prêts à faire le job. Répondit Gravan en tripotant l'une de ses défenses. C'était un chevin, ce qui signifiait que son anatomie se résumait principalement à une tête gigantesque à la peau grise parcheminée et au crâne agrémenté de longues mèches blondes. D'extérieur, il semblait assez lent et maladroit, et peut-être l'était-il. Mais Kassav l'avait déjà vu découper un agent de sécurité en deux à la seule force de ses mains. Ça s'était passé lors du braquage d'une banque sur une planète de glace isolée. Gravan s'était contenté d'attraper le gars et... Bref, si la tempête de Kassav avait eu une devise, ça aurait pu être quelque chose comme « la victoire par la force brute ». Et Gravan en était l'exemple parfait. Il n'y avait qu'à demander à cet agent de sécurité. « Mon équipe se tient prête aussi, chef, » rétorqua Delex. « Ils n'ont pas arrêté de s'entraîner depuis que vous nous avez présenté le plan. »« Vaut mieux !» marmonna Gravan, suscitant des gloussements parmi ses foudres. Des gens trop bêtes pour savoir qu'il valait mieux ne pas avoir Delex pour ennemi. Kassav la connaissait depuis des lustres. Il avait même eu une brève aventure avec elle quelque temps auparavant. Il savait qu'elle se pensait laide comme un pou, raison pour laquelle elle dépensait tout son argent dans des prothèses mécaniques de luxe. Elle se refaisait une beauté, remplaçant chaque partie de son corps l'une après l'autre. Mais tout ce métal n'améliorait pas pour autant son caractère. Elle devenait plus belle, certes, mais plus froide aussi. Kassav avait le pressentiment que ses foudres au gloussement compulsif de l'équipe de Gravan risquaient de se retrouver avec le crâne fendu une nuit prochaine. Bah, ce n'était pas son problème. Les foudres, on en trouvait à l'appel. Affirmatif, répondit Trempette en levant le pouce depuis son fauteuil situé face à la principale console informatique du vaisseau. Parfois, les gens imaginaient que Trempette s'appelait comme ça parce que c'était un Gungan. Mais ce n'était pas la seule raison. Fut un temps, lorsqu'il participait au raid, il terminait généralement couvert de sang de la tête aux pieds. Trempé même. C'était arrivé assez souvent pour que les gens se mettent à l'appeler comme ça. Et il n'avait jamais tué aucun de ceux qui le faisaient, donc c'est que ça devait lui plaire. On avait un peu de mal à déterminer ce que Trempette aimait ou non, parfois. Trempe était aussi un craqueur. Un sacré bon craqueur. Il s'introduisait dans des systèmes informatiques depuis tout petit et désormais il utilisait ce talent pour faire toutes sortes de choses horribles sur son temps libre. Des choses cruelles et intrusives. Pas le problème de Kassav, là encore. « C'est parti !» dit-il. Le New Elite émergea de l'hyperespace dans le système Eriadou. Il n'y avait pas beaucoup de trafic spatial d'après les instruments. Rien de surprenant. La planète n'avait pas vu passer beaucoup de cargaisons de combustible ces derniers temps à cause du blocus. L'absence de circulation signifiait également que les satellites de surveillance du système les avaient probablement déjà repérés. Ce n'était pas un souci. Ils n'étaient pas là pour se cacher, et si les habitants d'Eriadou voulaient envoyer quelques patrouilleurs pour leur chercher des noises, eh bien c'était là que Delex et Gravan entraient en scène. Leurs artilleurs étaient des as. Trempette, vas-y, indiqua Kassav avec un geste en direction de son lieutenant. Trempe se mit au travail et accéda au réseau des communications du système en contournant tous les codes d'accès et mesures de sécurité en place, grimpant toujours plus haut jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Il pressa encore quelques touches, puis leva le pouce à nouveau. Vous êtes en ligne, boss! Une voix jaillit des haut-parleurs de la passerelle, rauque, sifflante et froide. La voix d'une personne puissante qui n'avait pas l'habitude que les choses échappent à son contrôle. « Qui est-ce? Ceci est un réseau comme sécurisé. » déclara Mural Vin, la gouverneure actuelle de la planète Eriadou. « Et qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? De la musique ? Oups, pensa Kassav. Il pressa un bouton et le rec punk baissa de volume pour être réduit à l'état de murmure. Hey, « Eh, salut, gouverneur !» s'exclama Kassav. « Je suis votre nouveau meilleur ami. » Silence à l'autre bout du fil. Elle devait attendre de voir ce qu'il voulait. « Vous avez peut-être vu un vaisseau sortir de l'hyperespace en bordure du système ? C'était moi. Et tout ce que vous avez besoin de savoir sur nous, c'est que je peux traverser le blocus hyperspatial de la chancelière Sceaux alors qu'aucun autre appareil n'en est capable. Je vous conseille de garder ça à l'esprit tandis que nous poursuivons notre petite conversation. Je peux faire des choses que personne ne peut faire. » « Laissez-moi deviner, » intervint la gouverneure. « Vous vous êtes faufilé à travers le blocus et maintenant vous allez proposer de nous vendre de la nourriture à des prix ridicules ? Je ne réagis pas bien à l'extorsion. »« C'est une chose qui reste à voir, madame, » répliqua Kassav en mettant une certaine emphase sur le dernier mot, ce qui fit naître quelques gloussements parmi les nihils de la passerelle. Tous écoutaient comme s'il s'agissait du meilleur holo-feuilleton qu'ils aient jamais vu. « Mais laissez-moi vous dire une chose, » poursuivit-il. « Je me sens plutôt vexé que vous nous preniez pour de vulgaires escrocs. Nous sommes bien plus que cela. »« Alors vous êtes qui à la fin ?»« Je vous l'ai dit. Votre nouveau meilleur ami. Votre sauveur, pour être précis. » Un silence. Je ne sais peut-être pas qui vous êtes, mais je sais où vous vous trouvez. Gronda Mural. Mes équipes viennent de localiser votre emplacement. Je mets fin à cet appel pour vous envoyer les croiseurs de sécurité afin que vous soyez placés en détention. Je ne comprends rien à votre petit jeu, mais vous pourrez m'expliquer tout ça depuis l'intérieur d'une cellule d'Eriadou. Résistez et on vous réduit à l'état de particules. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Demanda Kassav taquin. Absolument. Au revoir. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. À vrai dire, vous n'avez pas tort. Trois émergences se dirigent droit sur votre système. Elles seront bientôt là. Nous savons où elles apparaîtront et quand. Nous pouvons les arrêter pour vous si vous passez à la caisse. De quoi parlez-vous ? Personne ne peut prédire les émergences. Et personne ne peut voler en hyperespace dans la bordure extérieure non plus. J'en ai assez entendu. J'envoie les croiseurs. Vous n'aurez qu'à dire ce que vous savez à ceux qui dirigeront votre interrogatoire. Si nous voyons vos vaisseaux se diriger vers nous, nous mettrons les voiles et vous serez tenus responsables de la mort de plusieurs milliards de personnes. Kassav se fendit d'un large sourire. L'euphorie du smash maîtrisée par la prise de l'amortisseur s'améliorait chaque seconde. Il avait l'impression de voler, comme soulevé et porté par une vague, les bras ouverts, inarrêtable. Il savait depuis le début que c'était un bon plan. Il avait parcouru la liste des émergences que Mark Yonro avait fournie au maître Tempête et repéré immédiatement cette opportunité. L'occasion était si belle d'ailleurs qu'il avait oublié de faire part à Mark Yon et aux autres maîtres qu'il envisageait de la saisir au bon. Oups, c'est bête. Pas de loi des trois pour amputer son butin cette fois. Hors de question. Kassav réalisa qu'il n'avait pas encore dit à cette gouverneure collée montée ce qu'il exigeait. Il secoua la tête. Il devait vraiment rester concentré. Gouverneur, c'est très simple. Si vous me donnez 50 millions de crédits, personne n'est condamné à mourir. Je peux arrêter les émergences et vous aurez sauvé la vie de votre peuple. Je vais même vous faciliter la tâche. Il leva un doigt et Trempette envoya les informations bancaires chiffrées qui allaient permettre à la gouverneure Vin de déposer de façon intraçable le montant en espèces sur un compte du Darknet contrôlé par Kassav. Pas un compte des Nihils. Celui-là appartenait seulement à Kassav. Vous êtes fou, répondit la gouverneure. Vous avez des doutes. « Je peux le comprendre. Laissez-moi les dissiper. » Kassav leva un deuxième doigt et Trempette envoya une autre série de données. « Vous venez de recevoir les coordonnées de la première émergence. C'est à proximité de mon vaisseau, pour tout vous dire. Nous n'avons pas choisi cet emplacement au hasard. Voyez donc. Cassav leva un troisième doigt, puis tendit le bras en direction de Gravan, qui hocha la tête et se tourna vers les membres de son équipe devant leur poste de tir. On y est presque. D'un instant à l'autre, indiqua Cassav. Un morceau du Legacy Run surgit de l'hyperespace à une distance d'environ 30 secondes lumière du New Elite, soit à l'endroit exact où Cassav avait prédit qu'il apparaîtrait. Merci à Mark Yonro, à ses sentiers et à sa mystérieuse maîtrise de l'hyperespace qui lui permettait de connaître les routes que tous les fragments allaient suivre. Tout cela était sur le point de rapporter à Cassav des millions de crédits. Il jeta un coup d'œil au holo de ciblage projeté sur le mur vide de la passerelle déjà verrouillée sur le fragment. Il ressemblait à un compartiment, intact. Il avait entendu dire que certaines de ces choses avaient des gens à bord, des colons qui se trouvaient dans le vaisseau avant qu'il ne se désintègre. Oh bah, pas son problème non plus. Feu ! Ordonna Cassav. L'équipe d'artilleurs de Gravan était vraiment douée. Une salve de feux laser et de torpilles jaillit des canons du New Elite et se dirigea droit sur le fragment. Le tout percuta brutalement la cible et le compartiment pulvérisé disparut du champ de bataille sur le mur vide. Un tir parfait. Bien sûr, ils savaient déjà à l'avance ce qu'ils auraient à viser et tout était planifié. Mais malgré tout, ça devait avoir fait son petit effet. Voilà, reprit Cassav en se retournant face à la baie d'observation où, quelque part entre eux et le soleil, la gouverneure Muralvin devait se sentir un poil moins sûre d'elle. Maintenant, vous voyez que je suis digne de confiance. Deux autres émergences vont débarquer. La prochaine sera là dans 90 secondes. Vous avez les coordonnées du comte, payez ou assumez les conséquences. Espèce de fils de... siffla la gouverneure Vine. C'est possible, rétorqua Cassav. Je n'ai jamais connu ma mère ni mon père. Pas sûr que ça soit primordial. Ce qui importe, ce sont les choix que vous faites dans la vie, pas vos origines. Comme le choix qui s'impose à vous maintenant, gouverneur. Les secondes défilèrent. Cassav jeta un coup d'œil à Trempette qui secoua la tête. Pas encore de transfert. Quelque peu dégoûté, le maître Tempête lui fit signe de poursuivre. Une nouvelle série de coordonnées fut envoyée 20 secondes avant l'arrivée de l'émergence. Le New Elite n'était pas assez proche de celle-là pour s'y rendre à temps. Cette fois, l'émergence allait se produire et il n'y aurait rien pour l'arrêter. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle ne lui serait d'aucune utilité. « Vous venez de recevoir les coordonnées de la deuxième émergence, » indiqua Cassav. « Vous auriez pu empêcher ce qui va se passer, gouverneur. Ne l'oubliez pas. » Un autre morceau du vaisseau maudit se matérialisa dans l'espace réel, se déplaçant bien trop vite pour que personne ne puisse rien faire. Parmi ses ressources, Eriadou en exportait surtout une, la lomite. Un minerai utilisé pour fabriquer le transparacier, un alliage qui était aussi le composant principal des baies d'observation, verrières et hublots des vaisseaux. Lorsque la chancelière Sceau avait mis en place son blocus, les transports de marchandises qui s'apprêtaient à quitter le système, les soutes pleines de lomites, s'étaient retrouvés bloqués avec nulle part où aller. Ces transports s'étaient rassemblés en grappe dans une zone dégagée, située non loin du point le plus proche où il était possible de passer en hyperespace, et y attendait que les voies soient rouvertes. Le fragment transperça l'un d'eux, provoquant son explosion immédiate, et l'onde de choc générée emporta 4 autres appareils avant qu'ils ne puissent lever leur bouclier. « Ouille !» dit Cassav. « Y avait facile une bonne centaine de membres d'équipage, là. Sans parler de toute cette lomite. Qu'est-ce que ça va coûter à votre système, gouverneur ?» Un sacré paquet de crédits, j'imagine. Maintenant, votre situation est encore plus mauvaise qu'avant. Et n'oubliez pas, il reste une émergence en approche. Vous disposez d'environ 4 minutes, Et cette fois, ce n'est pas une centaine de morts qu'il y aura, mais des milliards. Vous y compris, peut-être. Vous avez les coordonnées bancaires, n'attendez pas trop longtemps. Vous êtes maléfique, cracha la gouverneure. Vous en avez conscience, n'est-ce pas? Cassav se tourna face à sa tempête et leva les yeux au ciel, suscitant des rires supplémentaires. Vous riez? Réagit la gouverneure Vine incrédule. Vous riez? Oh ouais, gouverneur. C'est marrant, c'est tout. Il n'y a rien de maléfique là-dedans. Ce sont les affaires, voilà tout. J'ignore comment vous faites. Mais c'est vous qui envoyez ces émergences, n'est-ce pas? Vous êtes à l'origine de tout ça. Je ne vois pas comment ça serait possible autrement. Quelle importance. Vous perdez du temps, gouverneur. 2 minutes. Cassav commençait à devenir un peu nerveux, à vrai dire. Il allait falloir qu'il bouge, et vite, pour espérer rejoindre la trajectoire de la 3e émergence, autrement il serait dans l'impossibilité de l'arrêter. Et il avait conscience qu'il fallait qu'il l'arrête. Autrement, eh bien, cette petite arnaque risquait de moins bien fonctionner les prochaines fois, non? Il n'était même pas sûr de retourner auprès des Nihil après ça. Pas avec 50 millions de crédits sur son compte, une tempête entière lui vouant une fidélité sans faille et une liste de toutes les autres émergences à exploiter. Ouais, Mark Yonro n'arrivait pas à la cheville de son père. Quelle idée de refiler des informations aussi précieuses juste comme ça. Le gars nourrissait un sentiment bizarre de loyauté vis-à-vis des Nihil. Il voyait en eux quelque chose de plus grand que ce qu'ils étaient réellement. Les Nihil formaient un gang de criminels. Et s'il y avait bien une chose que Cassav savait à propos des criminels, c'était qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Il en était le parfait exemple. 90 secondes. Gouverneur, le temps vous est compté. Vous êtes des monstres. Vous aussi, si vous refusez de sauver votre peuple. Très bien, cracha la gouverneure Vine. Les fonds sont en train d'être transférés. Il regarda Trempette et le Gungan leva le pouce à nouveau. Cassav adressa un signe à Delex qui poussa les moteurs à plein régime pour obtenir l'impulsion nécessaire qui allait les mettre sur la trajectoire de la 3e émergence à l'instant de son apparition. Les artilleurs de Gravan se remirent au travail, préparant la salve qui allait détruire le dernier fragment et leur valoir un beau salaire. « Il est bon que vous sachiez, » ajouta la voix de la gouverneure Vine dans le haut-parleur, « que j'ai transmis notre conversation au sénateur Nour, qui la diffusera d'un bout à l'autre de la bordure extérieure. Nous y avons aussi joint un scan de votre vaisseau. Nous avons même trouvé une correspondance dans nos bases de données. Le New Elite appartenant à Cassav Milico. Vous, je suppose. » Vous touchez le gros lot aujourd'hui, monsieur Milico. Mais je pense que vos ennuis ne font que commencer. Des ennuis? Quels ennuis? Nous sauvons des vies. Nous sommes des héros, gouverneur. Cassav s'adressait tout autant au Nihil qui, rassemblé autour de lui, n'en ratait pas une miette. Mais son estomac commençait un peu à... Peut-être qu'il n'avait pas assez réfléchi à tous les détails. Bah, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour le moment. Vas-y, dit-il en faisant signe à Delex. Elle hocha la tête et le vaisseau bondit en avant, mais le timing allait être serré. Si serré que les hommes de Gravan allaient devoir tirer à l'instant où la poussée des moteurs s'arrêterait. Rien d'impossible toutefois, ils avaient le temps. Ou pas. La 3e émergence apparut pile comme prévu, et en effet, le fragment du Legacy Run se dirigeait bien vers la lune peuplée d'Eriadou, dont la population était estimée à 1,2 milliard de personnes. L'équipe de Gravan fit feu exactement comme prévu, pile au bon moment. Sauf que la cible n'était pas là. Le New Elite avait mal calculé sa micro-poussée et dépassé de beaucoup l'emplacement visé. Il se trouvait très loin de l'émergence. Et les décharges de laser, comme les torpilles, fusèrent à travers l'espace sans rien toucher. Cassav comprit immédiatement. Il décocha un regard à Delex. Elle savait, elle aussi. Son regard était fixé sur lui. Chef, je dois m'être planté dans les calculs de navigation. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Kassav avait sa petite idée. L'œil organique de la femme brillait encore sous l'effet du smash, et il était clair qu'elle n'avait pas pris son amortisseur. S'il ne fallait pas grand-chose pour foirer un calcul de navigation, Delex était habituellement une championne en la matière grâce à ses prothèses mécaniques. Mais cette fois... Le fragment du Legacy Run percuta la lune. Tout le monde sur la passerelle assista à la scène. C'était projeté en hauteur sur le mur vide de façon parfaitement visible. De gigantesques nuages de débris s'élevant de la surface sous la forme de champignons. Des ondes de choc se propageant d'un bout à l'autre du petit monde. Beaucoup de flammes et tous ces nuages noirs qu'on voyait accompagner les explosions massives. Un peu comme une tempête. Une voix jaillit du système com résonnant à travers la passerelle plongée dans le silence. Plus un seul gloussement ne s'élevait des Nihils désormais. Rien que le silence. « Vous allez payer pour ça !» décréta la gouverneure murale Vin, dont la voix était peut-être la chose la plus froide que Kassav avait jamais entendue. « Voici mon serment. Vengeance. Les Eriaduan sont des chasseurs. Vous, comme tous les monstres à vos côtés, vous êtes maintenant nos pros. » Kassav pressa un bouton sur la console et la voix se tut. Il regarda sa tempête et sut ce qu'il pensait. 1,2 milliard de gens. Ouais. Bah, c'était pas son problème. Fichons le camp d'ici. On va où ? Demanda Delex, sa voix inhabituellement sourde. Kassav réfléchit. Ses gens sur Eriadu connaissaient son nom, son vaisseau. Il avait leur argent, mais il n'avait pas aimé ce qu'avait laissé entendre cette gouverneure. Elle ne semblait pas du genre à lâcher l'affaire. Il allait avoir besoin de protection. Besoin de faire partie de quelque chose de plus grand. Besoin de... « On rentre », dit-il résigné, « auprès des Nihils ».